brother, my sister, my friend. A human friend. On peut se croire égaux. Et oui, donne-moi ta main, camarade. Car avec les oiseaux, les cascades. Paradise on her. Come my friend, come my boy. Give me your money. Les croyances dévoyées. Détournées par les marchands. Aucun scrupule. Ballon, c'est une boîte de sardines. On parle de bidonville. Partout, dans toutes les métropoles, plus c'est gros, plus ça gagne. Je l'ai perdu là. Mm-hmm. Je suis croisée des chemins. Choice, choice, choice, déterminisme. Nantes. y'avait un penser au commerce triangulaire, un air de clavecin. Prends la mer. dimanche, c'est le jour du mariage. C'est le jour du mariage. Soma, soma, soma, zini. Si avai de Dieu. Soma, soma. Afghanistan, passant par le Pakistan, là. En marchant, parfois grâce aux chèvres, les animaux ayant fait le chemin avant nous. Méditerranée, le désert ne peut plus croître. Il est partout. Le désert ne peut plus croître car il est partout. Mais il peut encore s'approfondir. Le désert entre nous. De l'autre côté du miroir. Alice in Wonderland. Comme Alice, je glisse. Vers des mondes irréels. Subversif, rien comme existant. Lever le voile sur les mystères. Essayer de comprendre, voir clair. Tentative désespérée. Tentative quand même qui permet transformer l'essai. Ah. C'est d'accord, je suis d'accord. Ma compagne. à l'endroit, à l'endroit, à l'envers. Assailli par la complexité de ce monde, la fin de ce monde, à l'envers. Joke. Tu tiens ta parole à minima. Le contrat, c'est que tu tiennes ta parole sans que j'aie besoin d'enregistrer. Absolument. De nos jours, c'est plus comme ça. Je te conseille d'enregistrer